Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional, au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport en parlant de Samuel Girard. Samuel Girard de Robertval qui a participé au pré-camp des Prédateurs de Nashville il y a quelques temps, environ une quinzaine de jours. Et il est revenu à Robertval où le matin il prend une période de repos et il mentionne que ça a quand même très très bien été au camp des Prédateurs de Nashville. Écoute, ça a très bien été là-bas. Dans le fond, quand j'ai été repêché, on est parti pour Nashville le lendemain. Okay. Et après ça, le camp a commencé le lundi jusqu'au samedi. Écoute, c'était une semaine très chargée. On se levait à tous les matins à 5h45 pour aller courir le matin, vu que c'est là-bas où on était vraiment chaud dans l'après-midi. Il fait trop chaud pour courir, alors on était allé courir le matin. Et ça veut dire indiquer que la différence est quand même passablement grande entre la Ligue nationale et le hockey junior. Non, je pense pas que c'est plus dur. J'ai pas eu plus de misère là-bas en Asile. Ça ressemblait à. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a une petite coche, là, une grosse coche, je te dirais, là, de junior à ces camps-là. Mais sinon, je m'adapte très bien au jeu. Écoute, tous les gars qui sont là, c'est tous des gars qui sont bons, ils ont toute une bonne vision du jeu. Pour moi, en tant que défenseur, là, on voit que c'est plus impliqué le monde, plus impliqué facile, vu que les gars sont toujours à la bonne place. Et pendant que Samuel Girard était à Nashville, il a été question de cette transaction entre les Canadiens et les Prédateurs. Ça s'est passé durant que Samuel était au pré-camp. Je te dirais que oui, sérieusement, je pense que personne dans l'organisation s'attendait à cet échange-là. Je veux pas chez Weber, là, ça faisait un bon bout qui jouait pour les Prédateurs, puis surtout que c'était un bon leader pour cette équipe-là, c'était un bon capitaine, tout ça, mais je pense que l'équipe était prête à sacrifier ce joueur-là pour justement chercher Piqué Souben. Je pense que c'est un bon échange pour les deux équipes. Là. Le Canadien peut-être qu'il avait plus besoin d'un joueur comme chez Weber, puis Nashville, eux autres, ben, peut-être besoin d'un joueur bon aussi là, pour amener plus d'attaques. Fait que si on fait cet échange-là, les deux équipes, c'est sûrement parce qu'ils n'avaient besoin de chacun de leur. Parlons de football. On sait que c'est la Coupe Canada qui se déroule actuellement à Winnipeg. Et le Québec a remporté une belle victoire de 24-10 contre l'Alberta. Donc, le Québec va affronter le gagnant entre la formation de la Saskatchewan et également l'Ontario. Le match avait lieu plus tard. Notez que Philippe Lavoie de Saint-Jean d'Arc évolue pour cette formation du Québec. Les Voyageurs de Ville-Saguenay hier l'ont emporté par la marque de 5-1 contre Charlebourg. A noté dans ce match que Derek Côté a frappé deux circuits et la victoire est allée à Samuel Sirois Paradis. Et je vous parle de soccer en terminant. Il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues de soccer du secteur. Et d'abord, on va parler que ça se déroulait hier à Saint-Bruno dans la catégorie 12 féminin. Victoire de Saint-Bruno 2-1 sur le FC de Saint-Félicien. À Saint-Prime dans la catégorie U12 féminin local. Victoire du FC de Robertval 4-2 sur l'attaque de Saint-Prime. Maintenant, on va y aller avec dans la catégorie 14 masculin. FC de Saint-Félicien en a mangé toute une 8-1 contre Robertval. Et maintenant, on va parler de ce qui s'est passé dans les autres catégories. À noter que dans le senior masculin division 3, victoire du FC de Saint-Félicien 4-1 sur le FC de Saint-Ambroise. Le sport local et régional, à donradiosport.com, on s'en occupe.